rester cool, ouais, ouais, pour rester cool, pour rester cool, ouais, pour rester cool. Non, mais je vais pas rester cool, cool, cool, je vais pas rester cool. Non, mais je vais pas rester cool, cool, cool, je vais pas rester cool. Pas rester cool. Il se passe des choses dans le bébé, il se passe des choses. Il se passe des choses dans le bébé, il se passe des choses. On regarde les événements depuis 6 ans. Regarde les événements depuis 6 mois. Regarde les événements depuis 1 an. Regarde les événements sur 10 ans. Regarde les événements, regarde le siècle de la vie. Regarde les siècles après, regarde tous les pays. Regarde ce monde, regarde ce qu'il était. Regarde ici, regarde ici. Regarde ici, regarde les événements, regarde les événements. Regarde les événements, regarde ici. Regarde ici. Je te